Les deux amants tressaillirent, cette voix les rappelait sur la terre. Alexandre Dumas. XIII. Quand Berthe eut retrouvé la force de revoir Alphée, elle se rendit dans sa chambre. Elle s'assit tout contre le lit, et, cachant à demi sa figure dans les rideaux, elle dit « Alphée, je veux que tu te guérisses. Je resterai près de toi pour te soigner. J'écris à mon mari de venir nous trouver. » Ici, Berthe sentit un mouvement dans le lit. Elle ajouta, sans regarder Alphée, « Eugène sera ici ce soir. » Un profond silence succéda à ces paroles. Ce silence dura 5 heures. Aucune de ces deux femmes ne bougea de sa place pendant ces 5 heures. Alors le galop d'un cheval se fit entendre et les tira simultanément de cette immobilité. « C'est lui » dirent-elles toutes les deux à la fois et sans avoir eu l'air de se le dire l'une à l'autre. L'instant d'après, la porte de la chambre s'ouvrit, Eugène parut. Il était pâle, tremblant, ses jambes se dérobaient sous lui. À la vue d'Alphée couchée dans son lit, blanche comme toutes les mousselines blanches qui l'entouraient, il la crut morte. Et, perdant le morne sang-froid qui faisait le fond de son caractère habituel, il lui échappa un cri. Berthe avait eu le temps de tout réfléchir, de tout calculer. Elle s'avança vers son mari avec assez d'assurance. « Mon ami, Alphée a besoin de mes soins. Voulez-vous me permettre de passer quelque temps près d'elle ?»« Vous ne me répondez pas. Alphée, demandez-lui cette permission, vous. »« Eugène, » dit Alphée, mais elle ne put achever. À cette voix qui vibra au fond du cœur d'Eugène, Eugène fit un pas vers le lit, puis il détourna la tête et une grosse larme roula dans ses yeux. Berthe l'épiait. Elle vit tomber cette larme frappant contraste sur cette figure d'homme, d'amour et de gravité, de faiblesse et de force, et son cœur lui faillit. Au même instant, le docteur entra. « Bonjour, mesdames, bien, mes ordres sont exécutés. Madame est recouchée, je parie qu'elle est mieux. Oui, vraiment, c'est extraordinaire. Le pouls est encore un peu agité, mais on y remarque moins d'irritation nerveuse. « Vous êtes une excellente garde-malade, madame de Valdelin. Mais si je ne me trompe, voici monsieur de Valdelin. »« Bonjour, docteur, » dit Eugène, déguisant sous une froideur apparente les convulsions de son âme agitée. « Vous avez été malade, monsieur ?»« Nullement. »« Ah, ce n'est pas à moi qu'on le fait à croire. Et parbleu, vous avez la fièvre, mon cher. »« mon Dieu, » murmura Berthe. Et elle sortit précipitamment. Elle ne pouvait plus y tenir. Un nœud lui serrait la gorge. Elle se sentait le besoin de pleurer, de crier. Elle étouffait. Elle resta dehors au grand air jusqu'à ce que la nuit fût tout à fait tombée. Son cœur était brisé. Autant de paroles qu'elle avait entendues dans la journée, autant de coups de poignard. Le docteur la trouva anéantie sous un tilleul du jardin. Il l'engagea à rentrer à cause du serin, et il lui apprit que son mari était reparti pour Paris. « Sans me demander, » pensa-t-elle, mais elle n'osa pas faire tout haut cette remarque. Seulement elle s'informa d'Alphée, on lui dit qu'elle dormait. Le lendemain matin, lorsque sa femme de chambre arriva pour l'habiller, elle s'aperçut avec étonnement que le lit n'avait pas été défait, que sa maîtresse ne s'était pas couchée. Elle voulut en faire l'observation. Berthe lui défendit sévèrement d'en parler à personne. Ce jour-là, Berthe finissait ses 18 ans. Eugène ne l'avait pas oublié. En arrivant à Montmorency à l'heure du déjeuner, il lui offrit un très beau bouquet de fleurs. Cette attention fit plaisir à la jeune femme, mais elle ne la toucha que faiblement. « Allons voir ma belle-sœur qui nous attend, » dit-elle avec calme. Et suivie de son mari, elle se rendit dans la chambre de la malade. Alphée était mieux, mais le docteur ne voulut pas néanmoins qu'elle se levât. Ce jour-là encore, Berthe le passa tout en entier dans son appartement à elle. Croyant qu'Eugène et Alphée seraient bien aises d'être seules, elle leur en laissait liberté entière. Mais il n'en était rien, car aussitôt qu'elle n'était plus là, sous un prétexte quelconque, Eugène quittait la chambre de la malade. Au dîner, Eugène retint Monsieur Bertin. Il causa, le brave homme, avec abandon et gaieté, racontant toutes les anecdotes qu'il savait, et il en savait beaucoup. Cela sans s'apercevoir que personne ne l'écoutait. C'était curieux de le voir s'adresser tantôt à Berthe, tantôt à Eugène, de ne pas obtenir de réponse, continuer et rire tout seul de ses histoires. Le dîner dura longtemps. Le soleil était près de se coucher, et Berthe, qui depuis un moment suivait des yeux son cours à travers la fenêtre ouverte, proposa une promenade à son mari. « C'est cela, dit le bon docteur, une promenade sentimentale. Des nouveaux mariés, parbleu, c'est tout naturel. Car combien y a-t-il que vous êtes mariés ? 6 mois à peu près. Oui, c'est bien cela. Et puis, c'est aujourd'hui la fête de madame. 18 ans ! Le bel âge ! Ah, si je les avais encore, mes 18 ans, que de choses je voudrais faire ! D'abord... » Ici, le docteur se tut. Il était seul. Berthe et Eugène s'avançaient tous deux silencieux sous la grande allée de marronniers qui ombrageait l'avenue. Bientôt, Berthe doubla le pas. « Qui vous presse ainsi ? » lui demanda Eugène. « Je voudrais voir le coucher du soleil. »« Ne le voyez-vous pas, d'ici ? » ?»« J'imagine que sur le haut de la colline, je le verrai plus longtemps. »« Qu'importe. Pour vous, Eugène, mais pour moi. Qui sait ?» Et elle s'arrêta comme si une réflexion l'avait saisie soudain. Ils arrivèrent sur la colline au moment où cet astre venait de disparaître. Son disque rouge bordait encore l'horizon. Ils s'assirent dans un endroit écarté. Derrière eux, le bois de Montmorency, à leurs pieds, la vallée verte et riante, un ciel bleu sans nuages sur leur tête. Ni l'un ni l'autre n'avaient envie de causer. 10 heures qui sonnèrent à l'église les firent songer à revenir au château. En y entrant, Berthe pressa légèrement le bras de son mari. Puis, avec embarras, rougeur, elle dit « Les gens d'Alphée, peu instruits de nos habitudes, n'ont préparé qu'une seule chambre pour cette nuit. » Sans lui répondre, Eugène l'y suivit.